Bonsoir à tous. On va essayer de parler de personnalités qui sont un peu moins hautes dans le champ, parce qu'on a voulu s'intéresser aux évaluateurs, et même plus précisément à ceux qui organisent l'évaluation. Donc à savoir qui sont quelque part une espèce de cheville ouvrière dans ces institutions-là. Je vais vous présenter deux méthodes d'analyse, et puis je pense qu'il y a aussi une façon de critiquer la première par la deuxième et voir un peu aussi les différentes des deux. Je vais d'abord vous présenter des graphes pour voir un petit peu comment éventuellement se retrouvent nos évaluateurs, et puis après je vais essayer de vous montrer ce qu'on peut faire avec une autre source d'information que la base que nous avons construite et les problèmes que ça pose, qui est de faire un travail prosopographique systématique à partir des CV publié. Alors, on s'est intéressé, là je vais m'intéresser à deux populations principalement, qui sont les membres du bureau du CoNRS dans les sections SHS pour 2012 et 2013, et les délégués scientifiques de l'AERS en 2012 et 2013. Rapidement, les délégués scientifiques de l'AERS sont les personnes qui donnent les notes, qui organisent les comités de visite et qui donnent les notes. Donc ce n'est pas un petit pouvoir. Pourquoi ces deux populations-là? D'abord parce que c'était des populations qui étaient comparables en termes d'effectifs. Il y a 45 personnes parmi les délégués scientifiques de l'AERS en sciences humaines et sociales pour les années 2012-2013 et 51 personnes pour les membres du bureau des sections du CoNRS. On a rajouté dans les graphes que je vais vous présenter au début une troisième population qui sont les membres du bureau du CNU, du Comité national des universités, de la Commission nationale des universités, en SHS. L'idée étant de voir. Peut-être la première chose, c'est où se positionnent ces personnes-là et quelles sont éventuellement leurs co-affiliations à partir de la base de données que nous avons construite. Dans un deuxième temps, je me centrerai que sur les membres du bureau du CoNRS et des délégués scientifiques de l'AERS, puisque je n'ai pas eu le temps de m'intéresser également aux carrières des membres du bureau du CNU. Alors, que nous donne peut-être déjà le graphe? Alors, celui-là, pour le lire, nous positionnons en rouge, ce sont des institutions. Les autres couleurs, ce sont des individus. Nous avons ici les co-appartenances, et uniquement les co-appartenances des évaluateurs. En jaune sont représentés les membres du bureau du CNU, Sciences humaines et sociales. En bleu ciel et bleu foncé, les membres, alors en bleu clair, les membres élus, et en bleu foncé, les membres nommés du CoNRS, du bureau du CoNRS, et en vert, les membres, les délégués scientifiques de l'AERS. Il n'y en a pas beaucoup, puisque nous avons pris que ceux qui ont une co-affiliation aujourd'hui, c'est-à-dire les délégués scientifiques de l'AERS qui sont en même temps ailleurs, les membres du bureau du CoNRS qui sont en même temps ailleurs. Donc, l'idée, c'était de voir les personnes qui sont à l'interface de plusieurs institutions, qui sont-ils et que font-ils? Et il n'y a rien de vraiment fou là-dedans, sauf que ce qu'on peut voir, c'est que quand on est déjà, on pourrait dire, un évaluateur, les autres appartenances qu'on va avoir sont dans des univers, dans des institutions d'évaluation. Donc la relation entre le CNU et SHS qui est très forte, alors non seulement évidemment pour les personnes qui sont au bureau du CNU SHS, donc c'est normal qu'ils soient reliés, mais aussi pour les délégués scientifiques de l'AERS, on en a au moins trois, qui représentent un monde, et il y a un autre monde qui est vraiment représenté par les membres du bureau du CoNRS, qui sont assez séparés, qui ne se mélangent pas des autres. Alors ce graphe n'est peut-être pas le plus parlant, donc on a ici Athéna, une personne qui est reliée à Athéna, l'agence thématique Rappelle-moi, Christian. DSHS. DSHS. On a deux personnes qui sont reliées qui sont alors Hall Press, Cocouvre. CA des presses. Le CA de l'ensemble des presses en France, pas juste Île-de-France. Ici, ce sont les personnes qui, au ministère, qui évaluent et qui distribuent la prime d'excellence scientifique en SHS. Donc on a deux personnes qui sont également au bureau du CNU et une personne, Daniel Durnet, qui est également délégué scientifique de l'ORS. Et là, on a effectivement... là, c'est la CPCNU, en fait, hein, qu'on retrouve ici. Donc c'est logique, en fait, c'est-à-dire que les membres... Les présidents de section. Voilà, donc les présidents de section qu'on a sélectionnés se retrouvent automatiquement, effectivement, reliés à ces deux institutions. Le graphe suivant est plus intéressant, c'est comme Christian, le même type de graphe que ce que Christian vous a montré tout à l'heure, c'est-à-dire un changement dans le temps. On veut savoir où était, entre 2004 et 2012, les organisateurs de l'évaluation d'aujourd'hui. D'accord ? On garde à peu près les mêmes couleurs. En bleu sont représentés les membres du bureau du CoNRS, en vert les délégués scientifiques de l'AERES et en jaune les membres du bureau du CNU en SHS. Alors effectivement, ce qu'on voit, c'est que donc l'AERES, les experts de l'AERES est une institution énorme en taille. Dans notre base, ça représente 15 000 individus. Mais bon, on voit qu'ils sont très fortement connectés, c'est-à-dire que quel que soit leur rôle, il y a une très grande attraction de l'AERS par rapport à ça. Et puis, alors, ici, on ne voit pas bien ce que c'est, mais moi, j'aimerais bien le voir. Et non, je ne le vois pas. Comment on revient en arrière, Joël ? Comme ça. C'est les délégués AERS du passé. Ici, c'est... Voilà. Donc, les personnes qui étaient déléguées AERS, qui étaient donc... Le recrutement des délégués AERS se fait fortement parmi les délégués déjà. Donc c'est des personnes qui étaient déjà déléguées. Il y a un turnover assez faible. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, alors ça dépend des disciplines, mais ce sont les deux mêmes personnes qui sont déléguées pour la psychologie depuis l'existence de l'AERS. Il y a d'autres disciplines où ça varie plus, mais on reste assez longtemps délégué scientifique. Et on recrute très fortement parmi les experts. Donc effectivement... Même, on pourrait dire que l'étape, c'est d'être d'abord expert, de réaliser beaucoup d'expertise à l'AERS pour après passer délégué scientifique. Voilà, en gros, peut-être, effectivement, rapidement, ce qu'on peut faire sur ce type de graphe par rapport à nos données. Alors, on a des personnes qui sont assez extérieures, ici. Vous n'arrivez pas à lire, c'est Catherine Paradez. Qui est reliée, qui est membre du jury de l'IUF. Et qui est relié aussi à la commission de refonte des programmes de sciences économiques et sociales. Voilà, c'est elle qui se retrouve ici. Et ici, Christophe Jaffrelot, qui est aussi relié au jury de l'IUF. Mais à part quelques personnes qui sont comme ça extérieures, il y a vraiment une centralité assez nette des types de recrutement, en tout cas des co-affiliations, qui ne sont pas si grandes que ça. Par rapport au nombre d'institutions qu'on a aussi. Donc on pourrait dire peut-être beaucoup de choses, mais je n'ai pas envie de détailler trop, parce que l'idée ici, c'était de vous présenter une autre méthode de recueil de données, et peut-être voir aussi les limites de ce type de représentation-là, qui était de se centrer davantage sur des données plus prosopographiques. L'idée, c'était d'ajouter à la question de la position dans le champ des institutions, celle des caractéristiques des personnes, et surtout celle des trajectoires. Donc l'idée, c'était de répondre à deux autres questions. Qui sont les évaluateurs de l'évaluation? Comment devient-on évaluateur, organisateur de l'évaluation? Quelles sont les caractéristiques de leur carrière? En essayant de comparer nos populations. D'accord? En essayant de voir, est-ce que les membres du bureau du CoNRS ont des caractéristiques dans leur carrière qui sont les mêmes ou qui sont différentes, par exemple des délégués scientifiques de l'AERS. On s'est intéressé, donc on s'est intéressé à une autre source d'information que sont les CV des personnes, mis en ligne par les institutions auxquelles ils sont rattachés ou par les individus eux-mêmes. Effectivement, comme le disait Christian tout à l'heure, et ça quand même c'est quelque chose à noter, contrairement à d'autres professions, pour avoir travaillé sur d'autres professions, les chercheurs universitaires publient très largement leurs CV sur le web. Alors évidemment, il y a des sociologues qui travaillent beaucoup sur les CV de LinkedIn. Alors je pense qu'à un moment donné, ça va poser problème d'ailleurs. Parce qu'il faut être inscrit sur LinkedIn pour pouvoir récupérer les CV, donc je ne suis pas sûr que ce soit considéré comme une donnée publique. Là, c'est des données vraiment publiques. Pour la peine, on y a vraiment accès. Et elles sont très largement publiées, et donc c'est une source d'information qui est absolument incroyable. Donc on a collecté uniquement des CV mis publiquement en ligne par les personnes et les institutions, et rien d'autre. L'AERS, par exemple, publie des courts CV de ses membres, dont les délégués scientifiques, mais les universités et les laboratoires le font aussi. Bon, pour autant, cette source pose un certain nombre de problèmes. Et elle demande, du coup, plusieurs précautions quant à son utilisation. Premier problème, quel statut de l'information pour les CV ? Un CV rassemble une série d'informations sur les personnes, mais évidemment, ces informations doivent être comprises comme une forme de présentation de soi institutionnalisée, bien plus que comme des informations objectives sur les personnes. Je vous donne un exemple. Ça signifie par exemple qu'une personne qui affirme sur son CV qu'elle perçoit la PODR, ça doit être compris comme un indicateur de l'adoption de la conception de la PODR comme une forme d'excellence qui mérite d'être signalée sur son CV. Inversement, quelqu'un qui n'indique pas qu'il perçoit la PODR, ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas. D'accord ? C'est pas les mêmes types de stratégies de présentation de soi. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut les prendre, et ça ne limite pas pour autant ce qu'on peut dire de ce type de données-là, à mon sens. Donc, des informations qui doivent être considérées comme des déclarations des individus et des institutions, beaucoup plus que comme des informations strictement objectives. Alors, dire qu'un CV relève de la déclaration des institutions, c'est aussi relever la forme extrêmement normée des CV des chercheurs et des universitaires. Alors, il y a des disciplines dans lesquelles la normalisation des CV est plus importante que d'autres, comme par exemple en économie, où les CV sont particulièrement longs et détaillés, et ils suivent bien souvent les mêmes rubriques qu'on retrouve, le parcours, les responsabilités occupées, les distinctions, les thèmes de recherche, les projets de recherche, les publications, les communications. Donc, l'idée, c'est que c'est pas n'importe quoi qu'on déclare, on ne le déclare pas n'importe comment, ni sous n'importe quelle forme, avec l'idée quand même qu'un CV de chercheur, il doit être austère, il doit être très long, il peut être jusqu'à 25 pages, 30 pages, en mettant les mêmes informations dans plusieurs rubriques. Donc, premier point, le statut de l'information. Deuxième problème que posent les CV, on a des CV qui sont plus ou moins détaillés, avec des informations qui sont pas toujours homogènes entre les individus. Donc on a pu collecter, on n'a pas pu collecter pour tout le monde le même type d'informations, des CV complets. Donc là, on a une limite par rapport à la collecte des données, mais encore une fois, ça peut être interprété comme un indicateur dans les stratégies de présentation de soi. Et donc, on pourrait analyser ces formes de présentation comme des indicateurs de la plus ou moins grande docilité à adhérer à une certaine définition du métier. Finalement, c'est ça qu'on présente quand on présente un CV. Et donc, regarder, ou en tout cas saisir une plus ou moins grande docilité vis-à-vis de certaines représentations de l'excellence, par exemple, portées par les réformateurs de la science. Quelques exemples, peut-être pour ça, je suis désolé, je vais faire une manipulation qui ne se fait pas normalement dans une présentation, c'est que je ne suis pas très excellent. Vous ne m'en voudrez pas. Un exemple de CV complet. On va remonter par le haut. Non, je suis pas en haut, là. Là, je suis en haut. Un CV complet. J'ai essayé d'effacer les noms pour pas focaliser sur les personnes. C'est un type, hein, d'accord. Un CV complet, on détaille d'abord le parcours. Alors oui, effectivement, on met au tout début l'Institut universitaire de France, dès le début. Alors, le parcours, qui peut être détaillé très, très, très fortement. Hein. On part des études secondaires. Les responsabilités scientifiques nationales, extrêmement bien détaillées ici, avec une datation très précise. Membre du jury de concours d'entrée, membre du CNU, etc. Ensuite, la production scientifique, qui là est particulièrement longue, puisqu'on en a pour pas mal de pages avec les communications. Et à la fin, très intéressant, valorisation des contrats, où on présente les programmes avec les milliers d'euros qu'on a réussi à collecter. Donc un programme à 15 000 euros par an, un programme à 30 000 euros, un programme à 60 000 euros, un programme à 200 000 euros. On parle de philosophie, hein. D'accord ? Un programme à 80 000 euros, 180 000 euros, pardon, 21 000 euros, 28 000 euros. Donc c'est vraiment une certaine présentation de soi. On veut montrer qu'on est un collecteur de fonds. En tout cas, on ramène des projets et il y a quand même l'imposition ici dans une discipline qui n'est pas une discipline scientifique. Alors on pourrait débattre, est-ce que la philosophie est une science ? C'est pas ça l'idée, mais en tout cas l'imposition d'une certaine représentation du métier qui est présent. Donc ça, c'est un type de CV extrêmement complet sur lequel on peut travailler. Autre type de CV, très différent. Le site personnel, quelque chose qu'on retrouve très fortement, et donc là, on va voir encore une autre type de présentation de soi. Je n'ai pas anonymé, c'est un site personnel, c'est pas nécessaire. Franck Neveu est délégué scientifique coordinateur, donc c'est un peu le délégué scientifique des délégués scientifiques auprès de l'AERS. Et là, ce qui est très intéressant, c'est la photographie. Parce que c'est pas du tout la même présentation de soi. Vous voyez, on est dans un cas quelque chose de très institutionnalisé, austère, on veut montrer qu'on est un scientifique, on coche toutes les cases. Là, il y a vraiment une autre stratégie de présentation de soi. Alors, le canapé en cuir, la bibliothèque en bois avec les vieilles reliures derrière, la chemise, la cravate, le petit pull. En fait, on est dans une espèce de stéréotype du professeur de lettres de la Sorbonne. Ça tombe bien, il est professeur de lettres à la Sorbonne. Donc, en fait, de linguistique, exactement. Donc, il colle vraiment extrêmement bien au stéréotype. Je pense qu'on n'aurait pas pu trouver mieux, en fait, pour pouvoir essayer d'exprimer les choses. Et donc, il veut montrer que c'est un homme de lettres, mais c'est aussi un homme de culture, puisque vous avez vu qu'il y avait de la musique. Et si on descend sur la page d'accueil, à la fin, on remarque que, effectivement, c'est aussi un musicien. Donc, voilà, vous voyez à quel point, effectivement, un CV... Là, on est sur un CV, c'est un site personnel qui, si vous voyez, les onglets ici présentent la situation actuelle, le parcours, les responsabilités, les jurys, etc., etc. Donc, une vraie stratégie de présentation de soi, qui est une mine d'informations. Pour vous donner une idée, ensuite, quand on détaille, voilà, comment on présente les responsabilités. D'abord, les responsabilités au plan national, le fait de diriger une fédération de recherche. Ensuite, de travailler pour le ministère, le MESR, et les commissions d'évaluation. On est donc délégué scientifique de l'ARS, au CNU. L'ensemble des expertises réalisées à l'ARS en tant qu'expert. Les positions à la DGRI, à l'ANR, membre du comité de réflexion stratégique pour les sciences humaines et sociales à l'ANR, direction de la recherche à la MSTP, etc. etc. Il n'a pas le temps de faire des pianos. Si, on l'a surpris, il allait jouer la tempête de Beethoven et on l'a pris en photo à ce moment-là. Donc un patron, mais un patron qui se représente, qui veut se représenter comme un intellectuel, un homme de culture. Un autre type de site personnel, c'est très intéressant parce qu'on voit comment les représentations du métier s'imposent. Un autre site personnel, celui du manager. C'est la personne qui met la photo sur son site. Hein. Donc il se met en scène, donc il est en cravate, au téléphone. Donc c'est quelqu'un qui est professeur d'anglais à l'université de Bordeaux, directeur d'un laboratoire. Il donne des cours par téléphone, c'est pour ça. Mais qui cumule effectivement des positions de management, d'administration. Et donc effectivement, ce qui est mis en scène d'abord, à travers cette photo, c'est bien ce genre de choses-là. Pour vous donner une idée, cela dit, le fait que les informations sont très très différentes, on peut trouver aussi ce type de CV-là. Les premiers CV sont les CV qu'on retrouve plutôt à l'AERS, parmi les délégués. Ça, c'est plutôt des CV membres du bureau du CNRS. Donc là, c'est le CV en anglais qui ne dit rien. Qui est organisé par le laboratoire et dont on ne peut tirer aucune information autre que, éventuellement, j'ai enlevé, mais le statut, l'affiliation du laboratoire, ce genre de choses-là. Vous voyez, on a quelques publications, voilà, bon, mais pas grand-chose. On a aussi, alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de façon très souvent, le CV qui est totalement normé par le laboratoire, avec des données très partielles. Donc là, c'est le cas, on sait juste que la personne est directrice de recherche, directrice du laboratoire, on connaît ses thèmes de recherche, et quelques, une très courte sélection de la bibliographie. Inversement, on peut retrouver des CV qui se veulent très, très littéraires. Alors j'avais appelé ça le CV passion, c'est voilà, on va nous faire rêver. Donc les thèmes de recherche sont très largement détaillés, qui est vraiment, là pour la peine, on pourrait dire peut-être celui du prototype du scientifique, qui est passionné par ce qu'il fait. Donc il met d'abord un long texte pour expliquer ce qu'il fait, une production scientifique qui est assez conséquente, évidemment, et puis c'est juste vraiment à la fin qu'arrive, présenté non pas comme responsabilité nationale, responsabilité locale, etc., mais point fort des activités ne relevant pas de la production scientifique. Donc moi c'est l'activité annexe, mais il faut bien s'y coller. Bon, mais on voit que c'est quand même quelqu'un qui dirige des masters, une UMR, etc., etc. Mais ce n'est pas du tout la même logique de présentation et donc même de définition du métier qui s'impose ici. Donc une source extrêmement variable. Pour autant, comment faire pour s'en dépatouiller? On a codé, pour prendre en biais la variabilité des sources, le type de CV, pour savoir si le CV est complet, si le CV donne que des informations principales ou si le CV est extrêmement sommaire, pour pouvoir ensuite analyser les informations, savoir si, si les différences dans les carrières relèvent d'un manque d'informations sur la personne ou si elles relèvent bien de la non-occurrence d'un événement dans la carrière. Alors, je ne vous ai pas fait de tableau, mais pour vous donner une idée, pour les membres du bureau du CoNRS en SHS, on a 45% de CV complets, ce qui est quand même assez important. 37% de CV qui donnent les informations principales, qui sont en général assez suffisantes pour nous. Pour les délégués scientifiques de l'AERS, on n'en a que 40% qui donnent un CV complet et 30% un CV avec les données principales. Donc il y a beaucoup plus de CV complets au CoNRS et beaucoup moins de CV sommaires que parmi les délégués scientifiques de l'AERS, ce qui s'explique par plusieurs raisons qui sont liées aux caractéristiques des populations. Nous y reviendrons. Alors pour l'instant, on n'a pas réalisé d'analyse de la forme des CV à proprement dite, mais je pense que ça peut être vraiment riche, même pour voir comment le type de conception du métier s'impose, se diffuse ou pas. Et qu'est-ce que les gens mettent en avant effectivement pour assurer une légitimité. Le CV, c'est ce qui va effectivement réussir à asseoir une position, à essayer de la légitimer. Troisième problème, vous avez vu, ces CV nous présentent la production scientifique. On s'était, dans un premier temps, nous étions dit que nous allons pouvoir essayer de faire un traitement de cette production en se centrant essentiellement sur les publications, en séparant les publications d'articles, les publications de chapitres, les publications d'ouvrages et les publications d'ouvrages dirigés, d'ouvrages collectifs et d'ouvrages personnels. Les populations que nous avons ici là sont trop petites, celles sur lesquelles nous avons travaillé, pour pouvoir faire vraiment un traitement de ces informations là. Pourquoi? Simplement parce que donc on... Là, je vais travailler sur ce que je vous ai dit, 45 délégués scientifiques, 51 membres du bureau du CoNRS. Mais vu que les disciplines ont des stratégies de publication qui sont très différentes, des normes de publication qui sont très différentes, il faudrait comparer l'ensemble des économistes, il faudrait comparer l'ensemble des géographes, l'ensemble des historiens, etc., pour éventuellement voir ce que l'on pourrait faire par rapport à ça. Et nous n'avons vraiment pas les effectifs pour faire ce genre de choses-là. Quatrième problème... comment coder les informations des CV? Alors, on a établi une série d'indicateurs à la fois sur les caractéristiques des personnes et sur leur position actuelle et leur position responsabilité antérieure à la prise de fonction, qui comprennent le sexe, le statut, c'est-à-dire professeur, maître de conférence, etc., l'établissement de rattachement, le laboratoire, la discipline, les thèmes de recherche. Vous avez vu, les gens présentent les thèmes de recherche, on a pris tel que les gens l'écrivent. S'ils sont porteurs de projet, s'ils déclarent être porteurs de projet, c'est comme ça que je devrais vous dire à chaque fois. S'ils déclarent avoir été membre de l'IUF, s'ils déclarent avoir reçu la PEDR, s'ils déclarent des distinctions, jury d'agrégation et à l'ENS, membre du CNU, diriger une équipe, diriger un laboratoire, diriger une UFR, diriger une école doctorale, sidérage, d'autres responsabilités pédagogiques comme les responsabilités de master, de licence, etc. S'ils sont présidents d'université, s'ils sont membres de conseil d'université, s'ils ont d'autres responsabilités universitaires comme par exemple une vice-présidence chargée de la mise en place de la stratégie ou du budget, etc., etc. Ou alors des relations avec le presse, par exemple. Il y a des vice-présidences qui s'occupent de ça. S'ils ont occupé des missions au ministère, s'ils ont occupé d'autres types de missions que des missions au ministère, s'ils ont fait des séjours à l'étranger, s'ils ont dirigé des sociétés savantes, ou s'ils ont dirigé des revues. Vous voyez, on a été assez exhaustif, quoi. Au début, on voulait intégrer les datations pour essayer de voir s'il y avait des événements qui arrivaient dans certains moments de la carrière que d'autres, voir s'il y avait des positions dans une institution qui pouvaient être comparables à une autre, si le fait de passer rapidement de maître de conférence à professeur ou de chargé de recherche à directeur de recherche avait une influence. Les données ne nous permettent pas de le faire, donc on a évincé ce problème-là. On est revenu à un modèle plus simple où on code tous les éléments qu'on trouve dans le CV en distinguant uniquement les positions avant la prise de fonction dans l'institution et le devenir après la fin de la fonction dans l'institution. Comme là, je vais travailler que sur des personnes qui étaient en fonction en 2012-2013, je n'ai pas les devenir. Je vais travailler que sur le passé, d'accord ? Sans distinction de l'ordre dans lequel ils ont eu les différents événements. Avant d'en venir à l'analyse comparée des caractéristiques des carrières à proprement dites, je vais déjà vous présenter ce qui caractérise les deux populations à partir des premiers indicateurs sur les disciplines, les statuts, les thèmes de recherche. Alors, un des éléments les plus discriminants lorsque l'on compare les populations des deux institutions, c'est le type, le statut et le type de laboratoire de rattachement. Les deux sont liés. Alors, les caractéristiques montrent en fait, je donne la conclusion tout de suite, puis je vais vous montrer après comment, combien l'AERS est, pour les SHS, un lieu de pouvoir des universitaires dans lequel les chercheurs sont complètement exclus. Et à l'inverse, le bureau du CNRS, donc lui, il est dominé par les chargés de recherche et les directeurs de recherche, mais il comprend aussi des maîtres de conférences et des professeurs d'université dans des proportions qui ne sont pas du tout négligeables. Alors, premier tableau, s'il veut bien. Joël, sauve-moi. Non, c'est, c'est parce que t'avais le... Parmi les délégués CNRS de l'AES, il n'y a aucun chargé de recherche et aucun directeur de recherche en sciences humaines et sociales. Il y a 84% de professeurs d'université, il y a 5 maîtres de conférences qui sont là, alors que vous voyez, au CNRS, on a une représentation, donc, effectivement, une domination des directeurs de recherche, des chargés de recherche, mais une proportion quand même non négligeable de maîtres de conférences et de professeurs d'université. Si je croise avec les types de laboratoires, en fait, on voit que en gros, le gros des délégués de l'AERS sont dans des équipes d'accueil, ce qui en fait relève de la réalité des laboratoires de sciences humaines et sociales dans les universités. D'accord ? Dès qu'on sort un peu de Paris, on trouve beaucoup, beaucoup moins d'UMR. Alors que les UMR dominent très largement la population du CNRS. Donc vraiment, on a déjà, rien qu'en regardant ça, une typologie très différenciée de nos populations qu'on retrouve si je regarde les disciplines qui sont représentées parmi les membres du CNRS et les membres des délégués scientifiques de l'AERS. En bleu, ce sont les disciplines pour lesquelles le CNRS est... il y a plus de monde au CNRS, et en rouge et en orange, dans les disciplines pour lesquelles il y a le plus de personnes parmi les délégués scientifiques de l'AERS. Et en fait, ce qu'on retrouve, c'est quelque chose de, un effet de construction, c'est-à-dire que les disciplines du CNU en SHS ne recouvrent pas les disciplines des sections du CNRS, du CNRS. Donc effectivement, il n'y a pas d'anthropologie... très peu à l'université, il n'y a pas d'archéologie. Alors, il y a des biologies, en fait, parce qu'on avait saisi des personnes qui étaient, redis-moi, Christian, au comité interdisciplinaire, je crois. Oui, tu avais pris une section dans lesquelles... L'Institut de l'Environnement. C'est ça, l'Institut de l'Environnement. C'est ça, le fait du SHS, et c'était pour garder une continuité dans la discipline. Avec l'idée que, donc... voilà. évidemment, les STAPS aussi. Oui. Non, mais c'est intéressant quand même. Ah oui, oui. STAPS, énorme problème de légitimité. Ah oui. Science éducation, énorme problème de légitimité. Infocom, on n'en parle pas. Avec des difficultés enfin, de ouais. Psychologie. Ouais. Il y a personne effectivement en psychologie. Alors pourquoi? Parce que si au CNRS ils sont pas rattachés en fait aux sections de sciences humaines et sociales, hein, si je ne me trompe pas. Non, mais ils investissent la VRS aussi. Oui, oui, oui. Donc il y a bien une grosse séparation. Et alors on va voir que en plus on va voir sur la suite, mais donc la ERS c'est vraiment le pouvoir des universitaires, d'accord. Et effectivement, parmi les universitaires, pas nécessaire, pas les disciplines les plus légitimes. En tout cas, c'est plutôt que ça rassemble les disciplines qu'on retrouve contre l'université. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'il y a quand même 4 gestionnaires et 5 économistes, hein, alors qu'il n'y a aucun gestionnaire dans la section, je crois que c'est la section 35, si je ne me trompe pas, 37, je ne sais plus. Effectivement, il n'y a pas de gestionnaire, il n'y a que des économistes, hein, qui sont représentés au bureau. Dans le bureau. Au bureau. Donc c'est pour ça qu'il y a cet écart assez important. Donc rien qu'en regardant juste sur quelques indicateurs, on peut qualifier des populations qui sont quand même très différentes, avec des ancrages très différents, me semble-t-il. Ce clivage des populations permet sans doute d'expliquer, au moins en partie, le fait que les CV les plus complets se trouvent parmi les membres du bureau du CNRS et les plus sommaires parmi les délégués scientifiques de l'ERS. D'abord, les délégués scientifiques comprennent 2 personnes qui ne sont pas universitaires ou chercheurs. Sachant, oui, je n'en ai pas parlé, le CNRS, il y a une proportion d'élus, une proportion de nommés. À l'ERS, il n'y a que des nommés. Excusez-moi, j'ai été un peu rapide. Et en particulier, sont nommés des personnalités qui peuvent être juste nommées pour leurs compétences, même s'ils ne sont pas rattachés au milieu d'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, il y a une personne, en fait, qui vient du ministère de la Culture, et une autre personne qui est un ancien élève des mines, et qui fait une carrière d'administrateur des écoles des mines, mais qui ne fait pas de recherche. Donc pourquoi il y a une différence? Oui, alors ce que je voulais dire donc pour les différences de CV, c'est aussi parce que tout simplement les équipes d'accueil, les départements des universités ont beaucoup moins de visibilité que les grandes UMR, potentiellement des membres du bureau du CNRS. Et donc effectivement la source n'étant vraiment pas la même aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Alors on voulait aussi tester une hypothèse qui concerne les thèmes de recherche. Hypothèse forte. Nous voulions savoir si certains thèmes joueraient comme des dispositions à occuper ce type de position. Plutôt, voir, plus précis, si des dispositions à occuper ces positions s'exprimeraient au travers des choix des objets de recherche privilégiés. Soyons précis. Donc il s'agit de voir si les thèmes de recherche différenciaient éventuellement nos populations. Alors... on travaille sur un petit échantillon, 95 individus. Donc il s'agit là pour l'instant de résultats très préliminaires. Il faudrait augmenter la population en prenant en compte plusieurs années pour avoir des effectifs par discipline suffisants. C'est un peu comme pour les publications, mais on peut déjà dégager quelques pistes. Je ne vais pas vous présenter le tableau, mais les pistes que l'on peut dégager, on trouve déjà, d'abord, premièrement, de façon récurrente, des recherches qui se rapportent à la science et aux techniques, quelle que soit la discipline d'appartenance. Ça représente 15% de la population totale, toutes disciplines confondues. Alors, on retrouve 14 occurrences de recherche sur la science et les techniques parmi les 95 individus, donc 8 au CNRS, 6 parmi les délégués scientifiques. Je vous cite. En anthropologie, donc il y a un anthropologue des objets des techniques, acquisition des savoirs. En archéologie, un archéologue des techniques. En géographie, une personne qui fait de la géographie de l'activité scientifique. Un historien des techniques. Un historien de l'histoire savante et de la naissance des sciences de la société, un philosophe qui fait de l'épistémologie, un autre qui travaille sur la physique et le rapport entre sciences et société, et un sociologue des sciences également, c'est pour le CNRS, pour les délégués scientifiques de l'AERS, un historien qui travaille sur l'industrie de la santé et l'industrie pharmaceutique, un autre historien qui travaille en histoire de la médecine et des sciences, un autre historien encore qui travaille en histoire des techniques de construction et d'architecture. La personne qui est en infocom travaille sur les formes de la médiation scientifique et de la médiation documentaire. Et une sociologue travaille sur, on y reviendra, les politiques de recherche et d'enseignement supérieur. Et un économiste qui travaille sur la recherche et développement. L'économiste qui travaille en recherche et développement est intéressant puisqu'il a écrit un rapport sur le crédit impôt recherche pour le ministère. Donc, en tout cas, on voit quand même, c'est quand même énorme de retrouver cette occurrence-là. Je ne m'attendais pas nécessairement à la trouver. Mais vraisemblablement, le fait de consacrer sa recherche à l'étude de la science et des techniques semble donc assurer des dispositions à occuper ce type de position. Parmi ceux-ci, certains cumulent également le fait d'être promoteurs de la réforme de la science. C'est le cas, par exemple, de la sociologue dont je parlais tout à l'heure, qui est donc déléguée scientifique à l'ERS depuis 2013, qui dirige aujourd'hui un LABEX sur la recherche et l'innovation, qui a porté plusieurs programmes de recherche sur l'excellence scientifique, qui a publié plusieurs rapports, des articles sur la question de la réforme de la recherche, dont un rapport que vous pouvez trouver sur HAL, qui s'appelle « Piloter la réforme de la recherche publique », qui a été paru en 2005 pour répondre au mouvement de 2004. Je ne sais pas s'il fait partie de ton corpus. Si, si. C'est Catherine Paradis, il faut avoir connu. Donc, vraisemblablement, on peut cumuler les positions. Alors, être expert dans la recherche sur la science semble également donc amener à cumuler des positions de gouvernement de la science. Donc, c'est le cas pour Catherine Paradis. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais il y en a d'autres. Effectivement, qu'on retrouve ce genre de choses-là. Alors, au hasard, j'avais pris un philosophe, pour changer un peu de discipline, qui, après avoir été chargé de recherche, directeur de recherche, qui travaille en épistémologie des sciences sociales, entre autres, qui a été secrétaire de la section 35, président de la même section, président de la conférence... Ah ben voilà. Magnifique. Vous êtes dans ma base. Je suis objectivé. Non, c'est du déclaratif. Bon, mais encore une fois, on a une position très restreinte, il ne s'agit pas ici de tirer des conclusions, mais il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant dans ces co-occurrences. Autre observation, pour certaines disciplines, il semble que certains thèmes se retrouvent plus que d'autres. Alors je dis « il semble », pourquoi ? Parce qu'on n'a pas une idée précise des thèmes de recherche de l'ensemble des membres de chaque discipline, donc on ne peut pas comparer par rapport à une population de référence. Et donc il est difficile de savoir dans quelle mesure la récurrence de certains thèmes constitue bien une surreprésentation. Cela dit, si on regarde par exemple les thèmes de recherche des chercheurs en économie et en gestion, on retrouve de façon récurrente des recherches consacrées à la finance et aux politiques publiques, surtout parmi les délégués scientifiques de l'AERS. En gros, il y a un clivage avec un pôle plus théorique parmi les thèmes de recherche parmi les membres du bureau du CNRS. En économie, par exemple, personne qui travaille en macroéconomie financière sur les politiques monétaires, mais il y a aussi une autre personne qui travaille en théorie de la décision et une autre sur les réseaux et les modèles économiques. Alors qu'à l'AERS, on va trouver quelqu'un qui travaille sur l'Union européenne, la libéralisation et les privatisations, une autre personne qui travaille sur la finance et la Banque centrale européenne, une troisième personne qui travaille sur les politiques de croissance et d'emploi, une autre sur en économétrie, en recherche et développement, en gestion, une personne qui travaille en marketing de la performance et une autre personne sur ces thèmes de recherche, à la ligne performance et banque. Donc voilà, on retrouve effectivement ce genre de thème-là. Donc je ne peux pas savoir si c'est représentatif ou pas, mais il y a quand même on retrouve de façon systématique quand même certains thèmes. Les thèmes de recherche des historiens semblent aussi assez étonnants, sans encore une fois qu'il soit vraiment possible d'en tirer réellement une conclusion solide. À l'AERS, par exemple, parmi les 1, 2, 3, 4, 5, 6 historiens, y en a un qui travaille sur l'industrie de la santé, un autre qui travaille sur l'histoire romaine, un troisième qui travaille sur les politiques militaires, un autre sur l'histoire de la médecine et des sciences, un dernier en histoire de l'art sur l'architecture des techniques, et un dernier en histoire politique, mais il travaille sur l'immigration en Italie et en France. Ce qui est intéressant, c'est l'historien des politiques militaires. Alors, il est très intéressant parce que c'est une personne qui est professeur d'université à Cergy, où il était directeur de l'UFR de lettres et sciences humaines, il était vice-président du CVU et membre du CA. Et il a été, son CV cite, référence défense et sécurité de l'université de Cérage et Pontoise. C'est quelqu'un qui est proche du ministère de la Défense, il est conseiller pédagogique à l'école militaire. Et là, je cite le CV de l'ARS. Il a écrit 3 rapports pour le ministère de la Défense et la Direction générale de l'armement sur l'industrie d'armement européenne, sur la base industrielle et technologique de défense européenne et sur les débats sur la défense et la sécurité à l'occasion de l'élection présidentielle de 2012. Il est délégué scientifique de l'ARS depuis 2010 et depuis peu, il est chargé auprès de la direction de l'ARS, donc de Didier Houssin, de la mission affaires européennes et internationales à l'ARS. Donc c'est quelqu'un qui a un profil très étonnant pour un historien et qui, vraisemblablement, réussit très bien à l'ARS. Au CNRS, les thèmes sont beaucoup plus variés et beaucoup moins portés automatiquement, nécessairement, sur soit la politique, soit les sciences. On retrouve des choses beaucoup, beaucoup plus variées, et surtout avec des aires culturelles beaucoup plus variées, des gens qui travaillent sur le Japon, des gens qui travaillent sur la Chine, des gens qui travaillent sur l'art éthiopien, etc., etc. Des choses qui vraiment n'ont rien à voir. Donc, alors, encore une fois, les populations sont trop petites pour tirer vraiment des conclusions, et j'espère qu'on va pouvoir continuer à pouvoir faire ce travail-là, mais qui est un petit peu long. Mais l'hypothèse d'une influence des thèmes de recherche n'est pas vraiment rejetée, en tout cas, bien au contraire. On pourrait dire même, bon, si je veux reprendre une espèce de vieille séparation entre un pôle spirituel et un pôle temporel, on pourrait voir effectivement quelque chose qui serait d'un pôle plus spirituel au CNRS et beaucoup plus temporel à l'ERS. Alors, cette distinction-là va se retrouver très fortement, donc c'est pour ça que je ne me mouille pas trop en disant ça, dans l'analyse des carrières, qui là, pour la peine, laisse apparaître de véritables différences assez tranchées entre les individus et surtout entre les institutions. Alors, comment j'ai procédé ? Nous avons codé chaque carrière en comptabilisant si pour chaque indicateur, les individus avaient ou non indiqué une information. Par exemple, pour tous les individus qui ont déclaré être porteurs d'un projet, on a codé A. Ceux qui n'ont pas déclaré être porteurs d'un projet, on n'a rien codé. Ceux qui ont déclaré, par exemple, recevoir la PEDR, on a codé B. Sinon, on n'a rien codé, etc., etc., pour chaque item que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc une carrière se résume ainsi à une suite de lettres qui indique si l'occurrence est présente ou non. D'accord ? Ensuite, j'ai utilisé un programme de comparaison de séquences protéines. Vous allez avoir les couleurs des protéines, qui marche bien. Alors ça fait un peu comme de l'optimal matching analysis hein, pour les sociologues, mais bon, c'est un petit peu différent. Mais ça revient à peu près au même. L'idée étant de comparer 2 à 2 chaque carrière selon un indicateur, l'indicateur de plus proche voisin, de neighbor joining, qui mesure donc à la fois le degré de proximité entre 2 séquences et le degré de différence avec l'ensemble des autres séquences. D'accord ? Et j'ai ensuite pondéré certains indicateurs en leur donnant plus de poids pour réaliser le classement des carrières. L'idée étant de ne pas tomber dans le fait de prendre des carrières et dire « Ah, celle-là, elle est vachement bien » et donc de me coller là-dessus, mais vraiment d'essayer de les comparer, de voir s'il n'y a pas des types. Surtout qu'on travaille dans les sciences humaines et sociales, on a envie de se prémunir contre le risque de biais que ça peut avoir. Alors, voilà ce que ça donne. Excusez-moi, je vais refaire une manipulation qui ne se fait pas. Pour les délégués scientifiques de l'AERES, je vais mettre un petit peu moins gros. Un petit peu plus gros. Okay. Alors. J'ai besoin de ça. Vous voyez, chaque carrière, c'est une séquence comme ça, avec une suite de lettres. Et donc, mon petit programme, il va me rassembler les carrières qui lui semblent les plus proches. Et donc, je peux faire des paquets. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu difficile pour vous de lire, parce que vous n'avez pas vous savez pas quelle lettre correspond à quoi. On va commencer par celui-là, là où il y en a plein. D'accord ? Donc, A, ça veut dire qu'ils sont tous porteurs, ils déclarent tous être porteurs de projet, en général de projet ANR. Qu'est-ce qu'on retrouve également ? C, c'est le fait de déclarer avoir la PEDR. E, ça va être le fait d'être membre d'un jury d'agrégation ou de l'ENS. Donc c'est des gens qui contrôlent le recrutement du corps. D'autant plus que F, c'est le fait d'être membre du CNU. I, c'est le fait d'être directeur de laboratoire. K, c'est le fait de diriger une école doctorale. Là, c'est les responsabilités pédagogiques. Alors, ensuite, les conseils d'université, N. Les autres responsabilités universitaires, P, très important, P, c'est les missions au ministère. Et ensuite, Q, c'est les autres missions, R, les séjours à l'étranger, S, les directions de revue, T, les sociétés savantes. Alors, en gros, ce paquet-là, ce sont les gens qui cumulent à la fois alors ce que j'ai appelé un pouvoir scientifique, parce qu'en général, ils ont beaucoup de projets, un pouvoir universitaire avec un contrôle sur le corps, ils contrôlent les jurys d'agrègue, ils contrôlent le CNU, en tout cas, ils sont dans ces commissions-là. Pouvoir scientifique aussi, parce qu'ils dirigent un laboratoire, et puis pouvoir universitaire, parce qu'ils sont dans toutes les commissions, en général, ils sont proches, ils sont dans les conseils d'administration des universités, ou vice-président des CVU, des CS, et puis, très largement, dans les missions du ministère. Je reviendrai après sur le type de mission, si vous voulez bien. Je finis. Mes étiquettes ne sont pas nécessairement les plus heureuses. J'ai fait ça rapidement pour essayer de qualifier. N'y voyez pas de jugement de valeur. Mais c'était pour essayer de les distinguer. Ceux qui sont juste au-dessus, ce qui les distingue des autres, c'est le fait de ne pas avoir de mission ministère, de ne pas être porteur de projet non plus. Par contre, ce sont ceux qui sont toujours dans tous les conseils d'université, donc VP, VPCA, CS ou CVU, qui en général cumulent d'autres responsabilités universitaires du type vice-présidence, chargé des moyens, etc. D'accord ? Donc je les ai appelés les petits administrateurs d'université, j'aurais pu les appeler les administrateurs d'université, je suis d'accord. Ceux qui sont au-dessus, là, ce qui les caractéristique, c'est le fait d'être proches, d'être tous dans des missions, de faire des missions au ministère, et d'autres types de missions, en général, à l'interface entre le public et le privé. D'accord ? Encore une fois, je vous les détailler après. Mais on retrouve aussi des directeurs de laboratoire. Mais bon, ce qui les qualifie, c'est surtout ces deux types-là. Ici, en fait, on retrouve ce que j'ai appelé donc, les jeunes patrons, ou les patrons qui cumulent moins les pouvoirs, puisqu'ils ont à la fois du capital scientifique. En général, ils ne sont pas directeurs de laboratoire. Ils sont moins souvent au CNU ou dans les jurys d'agrègue. Mais ils sont quand même aussi dans les conseils de l'université, ils font quelques missions au ministère, mais vous voyez, on pourrait voir, c'est une vision un peu dégradée, pas encore aboutie de ceux qui sont là. Ici, on retrouve encore une fois des administrateurs, mais qui sont des plus petits administrateurs que les premiers, mais qui sont proches du politique. Ce qui les qualifie, c'est le fait d'être dans les conseils de l'université et d'avoir des missions au ministère. Cette partie-là, les données sont trop partielles, je ne peux pas vraiment les traiter. Et cette partie-là, ce qui les qualifie, c'est surtout d'être directeur de laboratoire. Et on n'a pas d'informations sur le reste de la carrière. Donc, vous n'avez pas vu, là, mais en fait, j'ai une étiquette qui me dit information trop partielle. Faire attention à ce qu'on peut dire sur cette population-là. Donc, vous voyez, ce qui les qualifie, ce paquet-là, c'est un peu le paquet idéal typique, on pourrait dire. Mais il n'y a pas que ça. Ce qui les qualifie surtout, c'est... la correspondance d'être à la fois dans tous les conseils, dans les conseils universitaires, c'est des administrateurs de l'université, qui ont une proximité avec le politique, par le biais des missions dans les ministères. Je vous détaille un petit peu plus peut-être ce qui les qualifie, si je fais des sommes, de quelles sont les occurrences que je retrouve le plus. Ce qu'on retrouve le plus, on a 22 directeurs de labo. On a 23 qui déclarent beaucoup de responsabilités pédagogiques. On a 16 qui sont dans les conseils d'université. 19 qui déclarent avoir d'autres responsabilités universitaires. Ils ont aussi donc, des positions de contrôle sur le recrutement du corps. Donc il y en a 15 qui sont au CNU, 10 qui sont agrégés. Et donc, c'est ce que je disais, donc, le fait d'être proche du politique, avec 21, c'est une des plus grosses occurrences, qui déclarent avoir plusieurs missions en général auprès du ministère. Donc c'est un délégué sur deux ici hein, qui a eu des missions au ministère. Alors, quelles sont les autres responsabilités universitaires qui sont déclarées en général ? Ça c'est intéressant, les autres responsabilités, parce qu'on a un paquet autres, donc l'idée c'est de savoir qu'est-ce qu'on a. Donc on a par exemple le directeur adjoint de la recherche à l'ENS de Lyon, le président du conseil scientifique et pédagogique de l'UFM d'Orléans-Tours, qui est devenu président du conseil de l'ESP d'Orléans-Tours. On a un chargé de mission à l'insertion professionnelle à la faculté de droit de Lille, qui est aussi chargé de mission à l'orientation au sein du bureau d'aide à l'insertion professionnelle dans la même université. Le vice-président chargé de l'évaluation et du pilotage, qui est aussi conseillère auprès de la présidence depuis janvier 2008 et membre de la coordination nationale des vice-présidents du CEVU. On a une autre personne qui va être, par exemple, membre de la commission de valorisation de la recherche, etc., etc. Qu'est-ce que je ne vais pas tous vous les citer. Hein, voilà, chargé de mission par le président de l'université pour la structuration d'un pôle de formation et de recherche sur le territoire intitulé blablabla. Suivi du fonctionnement du logiciel Apogée à la faculté de l'université. Référent défense et sécurité de l'université, rapporteur de la commission des finances de l'université, donc c'est pas mal ça aussi, vice-président délégué aux moyens de l'université, etc., etc., donc ce type de fonction. Sur les missions du ministère, donc une personne, par exemple, j'ai codé quelqu'un qui a écrit la rédaction d'un rapport sur l'agrégation de musique, un rédacteur de rapport sur le crédit impôt recherche dont je vous parlais tout à l'heure pour le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, quelqu'un qui a dirigé direction de la création artistique, chef du bureau des enseignements de la formation du spectacle vivant auprès du ministère de la Culture, membre de la commission sur la rénovation et la déontologie de la vie publique présidée par Lionel Jospin en 2012, représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche auprès de la délégation aux arts plastiques au ministère de la Culture, président du conseil scientifique du programme OE Territoires, programme conjoint entre le CNRS, le ministère de l'écologie et le CEMAGREF. Il y en a beaucoup, en fait. J'en ai beaucoup de pages, en fait. Bon, ça vous donne à peu près une idée de ce type de mission-là. J'essaie de faire vite, Joël. Ouais. Non, c'est juste des questions. Ouais. Donc ça peut être au ministère de l'enseignement supérieur, ça peut être au ministère de la Culture, hein, ça peut être au ministère de l'Agriculture. Alors, pour les membres du bureau du CNRS, les carrières sont très différentes de celles des délégués à l'ERS. Et en plus, il est beaucoup plus difficile de distinguer des groupes aussi marqués. Je ne veux pas faire croire que je vais dire que les membres du bureau du CNRS sont les gentils et que l'ERS, ils sont les méchants. Ce n'est pas ça l'idée. Hein. Mais quand je compare les carrières, il se trouve que, objectivement, on trouve des choses différentes. Alors, allons-y, les membres du bureau du CNRS. Non, il n'est pas là, où est-ce que je l'ai mis ? Excusez-moi. Allez, voilà. Les voilà. Alors, est-ce qu'on les voit bien ? Ils sont un petit peu plus grands, un petit peu plus. Ils sont plus grands que les typologies, ça. Pardon ? Non, j'ai pas mis de nom, vous avez vu, j'ai pas mis de nom. Alors, beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, c'est aussi des logiques de présentation de soi. Et il faut vraiment les intégrer comme tel. Ce qu'on déclare, il y a deux occurrences qui sont vraiment déclarées, qui je pense sont importantes pour affirmer une légitimité de capital scientifique. Le fait d'être porteur de projet, il y a beaucoup, beaucoup plus qui déclarent être porteurs de projet, et qui le sont, vraisemblablement. Et puis, une occurrence qu'on ne retrouvait pas parmi les délégués scientifiques de l'ERS, et c'est logique, puisqu'on était dans le monde des universitaires, ce sont le fait de déclarer des séjours longs à l'étranger. On pourrait dire que ce qui qualifie effectivement les membres du bureau du CNRS en SHS, c'est surtout c'est le R, rouge, ici. C'est les couleurs des protéines, je ne les ai pas choisies. C'est les séjours à l'étranger. En S, c'est les séjours plus courts. Mais c'est le R qui est plus intéressant. Le R, c'est l'arginine. D'accord. C'est l'arginine. Ah. Oui, c'est l'arginine. Donc, mon petit logiciel m'a quand même fait une classification où on peut regrouper effectivement ici ce qui cumule à la fois le fait d'être directeur de laboratoire et porteur de projet, et puis pour quelques-uns avoir quelques missions au ministère. Vous avez vu, il y a beaucoup, beaucoup moins de missions au ministère. Ça n'a rien à voir, hein. On n'a pas du tout les mêmes carrières. Quelques missions effectivement ici à l'interface entre public-privé. Alors, ce groupe-là, c'est le groupe dans lequel on retrouve le plus de directeurs de recherche et de professeurs d'université. Je vais reprendre mes notes, comme ça je ne vais pas vous dire de bêtises. Tac. Moi, je ne retrouve plus, évidemment. Ah si, voilà. Dans la première zone, ici. Alors, que des DR dans la zone 1. Ici, on n'a que des directeurs de recherche. En général, quand on est au CNRS, bureau du CNRS, et qu'on dirige un laboratoire, on est directeur de recherche. D'accord ? Donc, en général, les I sont des directeurs de recherche. Je crois qu'il n'y a aucun directeur de laboratoire qui n'est pas directeur de recherche parmi les membres du bureau. Donc ici, ce sont des directeurs de recherche, mais vous voyez, ça ne veut pas dire que les CV sont incomplets. D'accord ? On a des CV qui sont en général complets. Abelès, il n'est jamais à l'étranger, c'est impossible. Sur son CV, en tout cas, on n'a pas trouvé l'information. Il est tout le temps à l'étranger. En tout cas, pour lui, vraisemblablement, ce n'est pas nécessaire de le déclarer. Il ne les déclare pas. Alors qu'ils étaient en Argentine pendant que j'étais en son équipe. Ils avaient été comme en Argentine. J'aurais dû enlever les noms, en fait. Si on voit les erreurs. Ça doit faire bizarre de voir sa carrière comme ça, j'entends. Le deuxième groupe, beaucoup plus de chargés de recherche et de maîtres de conférences. Il y en a 6 et 3, pour seulement 3 directeurs de recherche et 3 professeurs d'université. Donc, dans ce groupe-là, il y a 6 directeurs de recherche, 1 professeur d'université. Et il y en a un, celui-là, en fait, il est maître de conférences. Il faudrait peut-être du mettre montrer un petit peu dessus. Ce qui confirme mon idée qu'il n'y en a pas un, qui sont directeurs de laboratoire. Hein. Et ensuite, donc ici, bon, ça se répartit à peu près équitablement. Et dans la dernière partie ici, on a 9 chargés de recherche et maîtres de conférences, et 4 directeurs de recherche et professeurs d'université. Donc voilà, en gros, bon, y a pas de... je ne peux pas faire de typologie. Pour un alignement protéique, là, on jette. Oui, c'est mauvais comme alignement protéique. Oui, mais c'est pour ça, oui. Est-ce qu'il y aurait des profils différents selon qui sont élus dans les... Alors non, effectivement. Alors, y a deux choses que j'ai oublié de vous dire, en fait. Pour l'AERS, de ce que je vous ai présenté, quelle que soit la discipline, ça ne change rien. C'est-à-dire que dans mes groupes, j'ai des gens des disciplines très différentes. Je n'ai pas de rassemblement de discipline, premier point. Deuxième point, effectivement ici, non, je ne vois pas, il n'y a pas de différence. En tout cas, je ne peux pas les saisir avec l'effectif que j'ai. Je vais être précis, je ne vais pas vous dire de bêtises. On ne peut pas identifier. Une question, il y a une différence. Contrainte de parité et opère en amont, c'est-à-dire qu'il y a une parité dans le dispositif des jeunes. Une parité de genre, tu veux dire ? Ah, entre les élus et les nommés ? T'es sûr ? C'est ça que tu veux dire ? Oui. Est-ce qu'il y a une part... Il y a une proportion. Deux tiers élus, un tiers nommés. Ouais. Non. Dans le bureau ? Parité. Tu veux dire dans le programme ? Homme-femme. Pardon. Eh bien, l'AERS est beaucoup plus paritaire que le CNRS. Effectivement. Est-ce que je l'ai renoté quelque part ? C'est vraiment... Alors, c'est parfaitement paritaire, l'AERS, les délégués. Je crois que j'ai 21-22. Et le CNRS, un petit peu moins. Mais... donc, effectivement, de ce côté-là. Mais c'est vrai que j'ai évincé la question. Il n'y avait rien qui était... Je dois avoir le chiffre, je suis désolé. Mais l'AERS est paritaire en sexe ratio. Mais pas le CNRS. Ouais. Mais je pense que pour l'AERS, c'est voulu. Hein, parce que c'est vraiment 21-22. Quoi. C'est vraiment... On n'a plus qu'un quart d'heure en tout. Là. Après, on se virait la famille. Mais j'ai fini. J'ai terminé sur... Donc, voir que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur ces CV. Ça permet aussi de dépasser un peu l'analyse en termes de graphes. D'autant plus qu'on peut prendre le temps long avec le biais, qui est ce biais effectivement d'informations extrêmement diverses, partielles, parfois très riches, d'autres fois beaucoup moins, et à saisir comme un déclaratif ce que vous disiez, effectivement. Je ne peux pas conclure que Marc Abelès ne va pas à l'étranger parce qu'il ne le mentionne pas sur son CV. Mais on peut quand même observer ici des stratégies de présentation de soi qui sont quand même très différentes entre un pôle scientifique qui revendique des critères d'excellence scientifique, on pourrait dire, d'une façon ou d'une autre. En tout cas, on voit des injonctions à avoir une carrière à l'étranger et à le mettre sur son CV. C'est important de le mettre sur son CV. Là où, vraisemblablement, pour les universitaires que sont les délégués scientifiques de l'AERS, ça n'a aucune importance. Par contre, c'est primordial de bien signifier l'ensemble. Si vous vous souvenez, le premier CV que je vous ai montré, l'ensemble des responsabilités universitaires qu'on a pu faire, etc. etc. Est-ce qu'il y a un croisement de Wikipédia ? Parce que je vois, la première page qui sort sur MacAVLS, c'est Wikipédia. Et c'est intéressant, parce que Wikipédia, c'est sous le contrôle d'internaute. C'est-à-dire que ouais. même si on se prend à faire de... Comment on appelle ça, du selfie ouais. Il y a de toute façon des modérateurs, d'autres peuvent rajouter ou enlever des informations parce que c'est pas encyclopédique, parce que c'est trop. Et c'est intéressant, d'ailleurs, il y a des fils de discussion où ça se chamaille, oui. Trop narcissique, rien à voir avec la science. Là, en l'occurrence, on a pris que les sources institutionnelles des personnes. On n'a pas pris Wikipédia. Parce que c'est intéressant de voir ceux qui ont plus notre forme, parce que. Il y a une distribution en fait, il n'y a pas. Mais alors j'en connais qu'on n'est pas sur Wikipédia et qui ne voulaient pas nécessairement en avoir et qui ne savent pas pourquoi ils en ont. Ah oui, parce qu'il y a, il y a une hétérogénéité des sources. Ce n'est pas forcément fait par la personne, bien sûr. Effectivement, oui. Ça peut être l'institution. Je sais que le HESS sont mis à en faire. Parce qu'il y a une page de HESS avec les membres, donc ça faisait mauvais effet quand il n'y avait pas de lien sur certains noms, donc il fallait ouvrir des pages. D'accord. Il y a les morts et les vivants, bien sûr. Ensuite, il y a ceux qui les ont faites sûrement eux-mêmes avec des pseudos ou cartes en assumant. Ouais. Ceux qui sont faits par des admirateurs. Moi, j'ai Bourdieu, je pense qu'il ne l'a pas fait lui-même. Peu probable. Non, mais c'est intéressant. Parce que là, pour le coup, vous avez une autre base qui permettrait de travailler certaines propriétés comme ça. Le coup de MacAVLS, c'est un peu gros. Ouais. Enfin, je sais pas. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. On commence à vraiment travailler sur à comparer les sources de dialogue. Oui. Pour le traitement, avec des effectifs suffisants, là je l'ai pas fait, mais avec des effectifs suffisants, on pourrait peut-être se permettre de supprimer les CV pour lesquels on n'a pas d'informations. Si on mentionne les effectifs, mais on travaille sur les CV moins. Ça pourrait être une solution aussi, par exemple. Quand bien même, je pense effectivement que c'est intéressant que la source devienne aussi l'objet. Alors, sur cet argument-là, après j'arrête. Mais ouais. Quantitatif, c'est-à-dire effectivement j'en ai assez donc je peux supprimer, ça risque d'empêcher de voir émerger des petits groupes ouais. qui sont encore peu nombreux, mais je qui suis vont d'accord. justement c'est avoir pour ça un profil nouveau qui va précisément aller avec des réformes. D'où peut-être la nécessité de les garder, ouais. mais de coder le type de ce que je vous disais, le type de CV pour savoir si c'est un manque d'informations ou si c'est le fait qu'on a peu d'audience. Par exemple ici, contrairement à l'ARS, on en a pour lesquels on a très peu d'informations, par exemple, mais c'est un CV complet. La personne a très longuement détaillé ses thèmes de recherche, ses publications, etc. etc. Mais en termes de responsabilité par rapport à notre outil de codage, d'accord. il n'y avait qu'une seule occurrence. Bon, j'aurais pu le faire, j'ai pas eu le temps, mais j'aurais pu vous mettre en même temps les types de CV. Comme ça, on aurait pu pouvoir comparer et les rassembler. C'est une possibilité. C'est d'où la nécessité de coder, en fait, les CV. Ah. Donc voilà. Les CV qu'on trouve, le très long que tu as montré au début. Oui. Il y a certaines formes qui ressemblent quand même vachement aux formes qui sont imposées dans certains. J'imagine que c'est pareil sur les PDR. Tu as un certain format. Bien sûr. Est-ce que c'est pas tout simplement ce format-là? Parce que moi, j'ai mon CV long pour le dernier poste auquel j'ai publié, il est postulé, il ressemble plus ou moins à un format ça. Il se trouve que je ne l'ai pas mis sur Internet parce que je n'ai pas On l'a quand même. Mais je veux dire, si je le mettais sur Internet, j'en ferais pas un spécial. Là, tu as l'air de présenter les choses comme s'ils avaient préparé leur CV exprès pour se présenter sur tout. Alors, j'ai dit que le CV était le dernier CV qu'ils ont fait, qu'ils ont mis là. Alors, j'ai bien dit que les CV étaient des formes de présentation de soi institutionnalisées. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi voulu par l'institution, par les institutions de rattachement. Donc, on est bien d'accord que l'idée, c'est pas que dans nos têtes, nous pensons tous de telle sorte que nous allons présenter les choses comme ça, c'est aussi qu'on nous l'impose. On est d'accord. Mais on en vient aussi, mais en même temps. Je ne sais pas dans quelle mesure les institutions imposent de signaler la DEDR ou pas, de signaler les montants des contrats de recherche que vous avez eus. Si tu postules sur un poste de prof, il y a des trucs que tu as intérêt à mettre. Si tu fais un truc comme ça, on demande un CD pour le mettre sur la tête, tu vas pas. Alors, ce qui est sûr, c'est... Il est en train d'essayer de faire croire que qu'on passe sur un poste de prof sur son CV, Dominique. On passe sur un poste de prof à cause de son CV, Dominique, il est en train de se faire croire. Non. Non, mais ça, c'est parce que tu es jeune prof, Dominique. C'est pas la question. Non, je dis simplement la façon, enfin, ce que je veux dire, c'est que selon la façon dont il a été fait, il va nécessairement se présenter de... Non, mais on ne peut pas non plus pour autant faire comme si un CV n'était pas une présentation de soi. Quand bien même, celle-ci échappe à l'individu, en partie, puisqu'elle répond à des canons institutionnalisés. Mais effectivement, bien souvent, c'est quand même les individus c'est qui construisent leur CV. C'est quand même lui qui l'a rempli, même si c'est institutionnel. Hein, c'est pas, non, ce que je veux dire, c'est que quand c'est... tu postules sur ce projet, on te donne le... Enfin, en tout cas, dans la photo subite, on te donne le format de voir ton CV. Non, bah non, non, mais bon, la preuve, c'est qu'en fait, on est en train de faire des cours pour apprendre à faire le CV des étudiants. C'est rigolo, mais si tu peux des dossiers, voilà, prends le data, tu as le dossier, il y a qui vous donnez d'abord ça, après ça, après ça. Oui, la liste de chef. Mais tu les remplis ou pas ? Ouais. On parle de deux idées simples que je vais indiquer. La première, c'est que la forme compte. Et deuxièmement, c'est que l'objet n'est pas sur le web sans raison. Il a bien fallu que la personne le mette, ou son institution le mette. Donc, on prend les choses comme elles se présentent. Voilà. C'est pas. Si toi, t'es pas obligé de mettre le dossier, t'as rempli, voilà, mais... Si on le fait, on le fait. Donc, non, non, il y a pas de... C'est vrai qu'il faut que tu fasses ça. Il y a une question. Je vais trouver intéressant, moi, dans l'histoire du CV, mais qui éloigne un petit peu du projet lui-même, qui est de faire une typologie de qui gouverne, quoi. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, c'est que les CV donnaient des images de ce que c'est que les métiers de la recherche. Et puis, je me demandais si à travers ces CV, on ne pouvait pas tracer aussi les transformations que subissent les métiers de la recherche à l'heure actuelle. Alors, avec les volets enseignement, administration, les CV de manager, les CV de chercheur, voilà. Et je trouve que par rapport à cette problématique, cette entrée du CV me paraît très intéressant, parce que même la manière dont les gens se présentent à travers leur CV correspond à toutes les injonctions, justement, enfin, qui viennent d'être évoquées, et qui donc ça révèle aussi comment les injonctions à leur, enfin, liées aux évolutions politiques sont performatives sur la manière dont on se présente et sur transforme l'activité de l'activité, le travail scientifique. Tout à fait. Alors, les signatures de mail aussi fonctionnent comme ça, et la logique de rattachement à un établissement, effectivement, fonctionne aussi beaucoup. Il y a une forme de socialisation en tant que jeune maître de conférence, par exemple, à avoir une signature de mail et avoir un certain type de normalisation de la signature de mail avec tous les rattachements de laboratoire, comme si, en fait, un mail était un peu comme une publication et qu'il faut bien mettre... tous ces rattachements à chaque fois qu'on écrit un mot, et ça c'est, je pense, quelque chose d'assez nouveau, hein, qui s'impose. Et c'est vrai, je pense qu'il y a une certaine définition de qu'est-ce que c'est que le métier, ou en tout cas de qu'est-ce qu'il est légitime de revendiquer pour assurer sa position ou rendre légitime sa position dans le métier, qui évolue et qu'on observe, à mon avis, effectivement dans le CV, tout en sachant que ces normes s'imposent aussi par les laboratoires qui normalisent les CV, puisque souvent les laboratoires même construisent déjà les rubriques qui doivent être remplies, quand bien même, pour avoir fait l'expérience il n'y a pas très longtemps, parce qu'on m'a demandé de faire ma page sur le site de mon laboratoire, on n'est pas obligé tous de remplir de la même façon sa page, et en général, on reproduit effectivement la façon dont la présentation de soi s'impose dans... Alors je suis un peu sociologue de la socialisation, alors c'est pour ça que je rebascule sur mes dadas, mais dont certaines dispositions... finalement, ça s'intériorise et s'incorpore. Tout à fait. On prend une question, et après, je crois qu'il faut qu'on laisse la tête vers 9h, mais allez-y. Juste une petite hypothèse, c'est pas non plus un jugement de valeur entre le CNRS et l'ARS, mais l'ARS a été vue par les universitaires qui n'avaient pas accès, je suis dans une université moyenne de province, donc j'ai vu, comme une opportunité pour se faire reconnaître, déjà du point de vue de l'évaluation, hein, on va nous évaluer pour des équipes non liées au CNRS. sa chaise, on peut, enfin, c'est pas la mienne, hein, la mienne est anti, on est anti, plutôt anti-ARS, mais pour certains, c'est vu comme une forme de reconnaissance. L'ARS va enfin venir le voir, ce qu'on fait, on va aussi être reconnu, même si on est complètement déconnecté des organismes, des sites parisiens, etc. Et être délégué sur, à l'ARS, c'est peut-être vu par des disciplines donc non légitimes ou des universitaires complexés par rapport aux chercheurs CNRS pour avoir une position... à l'ARS d'évaluateurs qui n'avaient pas pu avoir. Alors, mon hypothèse, c'est vraiment que ce type d'institution-là, en fait, en gros, permet à, aux petits, on pourrait dire, aux petits administrateurs de la réforme locale de pouvoir faire une carrière qu'ils n'auraient jamais pu faire parce que ces institutions ont eu besoin de beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, ça a été une aspiration pour beaucoup de personnes dans des petites universités, qu'on voyait la personne qui est professeur d'université à l'université de Cergy ou dans des tas de petites universités, de pouvoir effectivement cumuler des positions nationales ou en tout cas des choses qu'ils n'auraient jamais pu vraisemblablement avoir. Ou des personnes très bien en vue qui verrouillent de tous les côtés, ouais. En allant, ça je parle parisienne qui a été citée tout à l'heure, déléguée à l'ARS, enfin, ça permet de multiplier aussi les réseaux, de s'introduire pour placer après ses courtisans partout. Donc ça, il y a des stratégies aussi bien provinciales, on va dire, Alors, il y a deux types de parisiennes, enfin c'est compliqué. Il y a deux types de populations, effectivement. Il y a des populations qui cumulent effectivement beaucoup. C'est le cas de Catherine Baradès qui est partout. Je pensais à quelqu'un d'autre. Et qui, de ce fait, se retrouve effectivement ici. Mais c'est aussi le cas, effectivement, je pense, parmi les deux psychologues qui sont délégués scientifiques de l'ARS depuis 2007, il y en a une qui, surtout, a mis en place, était vice-présidente chargée du pilotage, de la réforme, je ne sais pas quoi, etc. etc. Et donc, c'était celle qui était indiquée comme conseillère auprès de la présidence, etc. etc. Ce sont des gens dont ce qui qualifie essentiellement leur position, c'est ça, d'avoir eu des responsabilités locales, mais où ils étaient plus royalistes que leur part. En tout cas, où ils étaient des très bons élèves, et ça leur donnait effectivement des possibilités de carrière. Le deuxième élément, effectivement, je pense que c'est dans les disciplines les moins légitimes que l'ARS est la moins critiquée. J'étais étonné de voir des conseils de département en STAPS affirmer que l'ARS c'était très très bien et que s'il y a une réforme, c'est pas parce que ça marchait pas bien, mais parce que ça coûtait trop cher. Et sans que ça soulève de récrimination aucune. Et donc je pense effectivement que vous avez raison, c'est-à-dire que ça a été la possibilité de pouvoir se dire on va être jugés tous, voilà, on va faire la vérité des prix, quoi. Et effectivement, je pense que la vérité est apparue comme telle. Je pense que ça renvoie à un problème de la sociologie fort intéressant, c'est que trop de calculs, évidemment, produit des réactions de milieux qui se sont habitués à des usages et où le fait de critérialiser, mettre des indicateurs, mettre des machins, ça perturbe le fonctionnement habituel des réseaux sociaux. Mais l'absence de lisibilité et l'impossibilité justement de s'accrocher à des indicateurs, pour d'autres, inversement, est un vrai problème. Et donc du coup, il y a deux types de populations qui investissent parce que pour moi, ces engins-là sont essentiellement des machines computationnelles. Ouais. C'est-à-dire, ça rend le monde calculable. Ça permet effectivement de raisonner en termes de carrière, en termes de financement, de budget, de masse. Et effectivement, ça produit les éléments dont rêvent les gestionnaires, c'est-à-dire quelque chose de lisible. Et en fait, il y a deux populations qui ont un rapport très différent au calcul. Et ça a aussi ça. Ça évite d'avoir une vision uniquement unilatérale d'une méchante case de manager qui voudrait prendre le pouvoir. Il y a effectivement beaucoup de choses qui viennent d'en bas, quoi. C'est même l'inverse, en fait. Je voudrais pas faire mon Weberien de bas étage. Mais c'est vraiment la classe moyenne qui... Je pense que ces évaluateurs-là, c'est la classe moyenne de l'université. Et c'est eux les porteurs de la réforme. Parce que si ces institutions-là ne recrutent pas, et l'ARS a parfois du mal à recruter, l'ANR a du mal à recruter des évaluateurs. Mais s'il n'y a pas de personnes qui peuvent recruter, ça ne marche pas. Et donc il faut qu'il y ait des personnes qui ont envie d'y aller. Et je pense que une réforme pour qu'elle marche doit passer aussi par la classe moyenne. Et je pense que cette population-là, et c'était ça aussi pour moi l'intérêt, je ne voulais pas détailler, mais de m'intéresser à ce type de population-là, et pas seulement aux grands, c'est que si on ne retrouve pas des personnes pour investir ces institutions-là, ça ne marche pas. Donc il faut bien que, il faut bien qu'il y ait cette classe moyenne-là qui se saisisse de cette opportunité-là. Je pense que c'est même fondamental. Vas-y. Est-ce que vous avez pris en compte les intérêts que peuvent extraire les individus d'appartenir justement à ces institutions-là, intérêts financiers, qui est très clair pour l'AERS, hein. Par exemple, je suis excessivement étonné de voir que la PEDR ou la PES n'est pas mise en avant, alors que je suis convaincu que 100% de ces gens-là ont la PES. Je veux dire le gros régime, hein, pas le régime maître de conf. Donc à l'AERS, en fait, il y a une indemnité qui est loin d'être négligeable. Et il y a surtout, ce qui est très intéressant pour un universitaire, une décharge, une énorme décharge de services. Et je crois qu'on ne peut comprendre, en fait... Alors ça n'explique pas en fait la différence entre le CNRS, il n'y a pas de décharge de fait, puisqu'il n'y a pas de cours. Mais il y a aussi des intérêts individuels qui peuvent être des intérêts financiers, qui peuvent être des intérêts de décharge, ou d'autres intérêts d'ailleurs, qui ne sont pas forcément liés à l'activité de recherche. Hein, c'est des intérêts, je dirais, un peu basiques. Et je pense qu'il faut les prendre en compte. Et peut-être que la typologie ressortira un peu plus. C'est important. Hein, moi, je connais des gens qui sont à l'AERS et je sais pourquoi ils y sont. Alors, ce n'est pas les sciences humaines et sciences sociales, c'est en sciences... En l'occurrence, en maths physique. Donc, c'est les sciences dures. Et en fait, la décharge d'enseignement, c'est quelque chose. Oui, oui, ça dépend des charges. En fait, je crois qu'il y a plusieurs types d'évaluation. Mais effectivement, on a un tiers un demi allègement. Mais comme c'est des administrateurs d'université, on peut s'attendre aussi que comme ils cumulent aussi les questions de responsabilité, ils ont des décharges déjà. En fait. C'est déjà plus des enseignants. Je crois qu'il faut qu'on laisse la salle. On a débordé. Bon, merci à toutes les venues. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.